ça a beaucoup changé, Renault, hein, énormément. Et puis même le tissu industriel, il a beaucoup changé. Je me rappelle quand je suis arrivé, les usines de la métallurgie, car à Renault, il y avait beaucoup de métallurgie, elles étaient au centre-ville. Il y avait Matiza, elle était au centre-ville, les ouvriers, ils étaient là. Ils étaient à côté de la place du marché. L'entrée, elle était tous les matins, il y avait le défilé des bleus qui venaient, qui sortaient. Et après, elle a été déplacée plus en périphérie, vers Bussigny. Au fond, les usines sont plus loin, donc on ne les voit pas. Une fois, ils venaient habillés en bleu, donc on les voyait, ou en gris. Mais maintenant, quand ils rentrent en voiture, ça fait des bouchons, et puis voilà. Sur cette place de Renault, il y a un banc que j'ai toujours vu, il a été déplacé. Et puis qu'on dit, c'est le banc des Italiens. Et puis ils sont arrivés là, surtout des gens, pas seulement du sud, mais même de toute l'Italie. Et puis c'est probablement, ça c'était les années 50-60, c'est à ce moment-là qu'ils se réunissaient, comme ils avaient l'habitude sur les places du sud de l'Italie. Et puis, ma foi, il y avait des bancs. Pour finir, tu t'attaches à un banc. Ça aurait pu être celui de côté. Mais voilà, ils se sont attachés. Et puis, il y a eu le banc des Italiens. Et c'est pas que c'est interdit de s'asseoir, hein, mais il y a souvent des Italiens. Il y avait les colonies libres qui existent encore, mais très, très limitées. Mais il reste que le banc des Italiens, ce n'est pas une association, c'est concret. On peut s'y asseoir dessus, puis lui, il reste.